Quatrième partie. 1. À Castillac, Laurent d'Auberville reçut d'Anatolie ce billet. J'arriverai après-demain, le 15 avril, à 7h du matin. J'amène Catherine. Ne viens pas me chercher à la gare, mais je t'attendrai chez moi, si tu le veux bien, à 10h. C'est un secret pour tout le monde, et même pour tante Pauline. Avant de voir personne, je veux avoir causé avec toi. Je t'embrasse, mon cher Laurent. Et Laurent, tout un jour, vécut avec le mystère de ces mots, avec leur inquiétude et leur espérance. Il lut et relut ce billet, et quand il le sut par cœur, il le relisait encore. Il en examinait l'écriture, aussi rapide que les phrases et hâtive comme à la pensée, ferme aussi comme à la décision qu'Anatolie avait prise et le commandement qu'elle lui imposait. Mais elle revenait à Castillac. Le principal était là, et la magnifique nouvelle dont palpitait le cœur de Laurent. Pourquoi revenait-elle et comment? Pour un bref séjour? Quelques heures peut-être, en se cachant. Et pourquoi voulait-elle se cacher? Ou bien, mais alors il semblait à Laurent qu'il se lançait dans les plus décevantes chimères. Ne lui avait-elle pas dit, le soir terrible de leur adieu, « Qui sait si je ne reviendrai pas à Castillac ?» Il avait compris, pour toujours, et sans y croire, il avait gardé dans son esprit, depuis ces 8 mois passés, pour toute raison d'être ici-bas, cette parole incertaine. Et il en est son existence quotidienne, si morne, avec la constance vaine, obstinée et délicate, qu'il vouait à se souvenir. Anatolie revenait-elle à Castillac, déçue de sa déraisonnable tentative, et pour se réinstaller dans ses anciennes habitudes? Elle amenait Catherine. En faveur de son grand désir, Laurent trouvait des arguments. Il se les détruisait avec le soin qu'ont à se peiner les âmes malheureuses. Mais il en conservait, malgré lui, l'impression timide. Puis il façonnait 1000 conjectures, les y conduisait et se perdait en hésitations, délicieuses quelques-unes. S'il était impatient de savoir le bonheur imprévu ou la nouvelle mélancolie que la volonté d'Anatolie lui ménageait, il aimait le trouble, même douloureux, où elle le laissait, et cette étrange fille avait pour lui l'attrait de ce qui, en elle, lui donnait le plus à souffrir, sa bizarrerie dont il était amoureux. Quand il arriva chez Anatolie, 10 heures sonnaient. Il avait dompté son impatience avec une obéissante rigueur. Anatolie aidait Catherine à défaire les malles. Et comme les malles étaient nombreuses, Laurent dut accorder à lui-même qu'il ne s'agissait pas d'un bref séjour. Mais Anatolie l'accueillait avec une amitié grave. Il la voyait changer, très pâle, le même visage, moins le sourire et moins la perpétuelle vivacité de naguère, le même visage immobilisé dans le chagrin. « Tu es fatiguée du voyage ?»« Un peu, » fit-elle. « Surtout, je ne rentre pas sans éboire dans cette maison, qu'il ne fallait peut-être pas quitter. » Laurent, à part, lui demandait avec passion, « Rentres-tu dans cette maison pour y demeurer ?» Il se tut. Il craignit un non qui lui eût trop vite anéanti toute son espérance. Il préféra son incertitude. « Je retrouve ici, » continuait Anatolie, « tout un passé qui m'est bien cher, et envers lequel je ne sais pas si je n'ai aucun remords. » Ma pauvre petite grand-mère me redevient présente comme si elle vivait. Je la rencontre à chaque instant. Je vais m'installer dans sa chambre. Il n'est pas un de ces objets qu'elle n'ait touché. Ceux qui sont à Paris également, mais eux, des infidèles comme moi. Évidemment, elle était reprise par le charme du passé. Elle y cédait avec douleur. Elle y cédait pourtant. Et Laurent goûtait une joie peureuse. Il fut généreux. Et bien qu'il sentît que pour retenir Anatolie, les remords étaient une aide puissante, il voulut rassurer. « Tu es sans reproche à l'égard de grand-mère. Tu ne l'as point quittée et tu as attendu avant de partir qu'elle ne fût plus là. J'ai attendu. Ah, Laurent, sait-on les remords qu'on a ?» Elle vit que Laurent ne songeait pas aux remords qu'elle aurait pu avoir envers lui. Elle lui dit « Tu es gentil, Laurent. Je suis contente de te voir. Cela me fait du bien. » Il y a longtemps que je n'ai eu auprès de moi cette confiance pareille à la mienne. » L'idée de Paulin lui traversa l'esprit, et répliquant à son scrupule, elle reprit. « Très longtemps. Mais écartons tout cela, qui est amer et doux. Je t'ai prié de venir parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. À Castillac? Oui, à Castillac. Et puis chez vous, dans la famille. J'ai besoin de le savoir très exactement, et avant d'être sûr de mes résolutions. » Elle n'avait donc pas résolu son retour définitif, son retour d'enfant prodigue, enfin désabusé. Ce qu'il répondrait aurait une influence sur le parti qu'elle prendrait. Il fut éperdu un instant et redouta les paroles qu'il allait dire. Eh bien, tout n'est que tristesse à Castillac et dans la famille. Il y a la grève, mais tu le sais probablement. Oui, fit-elle. Et il frémit de penser qu'elle le savait par Paulin. Mais il dit, maman te l'a écrit sans doute. N'importe. La grève est déclarée depuis 15 jours. Si elle dure, elle va durer. Ah, tu as des renseignements? Si elle dure, la misère commence. Jusqu'où ira cette misère? Et si la grève dure, l'usine en mourra. D'ailleurs, c'est nettement l'idée de l'oncle, et il aurait déjà fait le lock-out. Tu sais ce que c'est, le patron répond à la grève en fermant son usine. Oui, je sais. Ah! Et de plus en plus, il découvrait dans l'esprit d'Anatolie la trace évidente pour lui de Paulin. Il continua. L'oncle aurait déjà fait le lock-out si Pierre, qui a pris dans ses conjonctures une très grande initiative, ne l'engageait à la résistance. Il lutte de clairvoyance et d'énergie. Qu'il l'emportera. Pour le moment, l'oncle paraît suivre les conseils de Pierre. A-t-il raison? Je crois que oui. Pierre montre la force que nous lui connaissions, et je te l'avoue, une intelligence que je ne lui connaissais pas. L'oncle est extrêmement vieilli. Du reste, pour qu'il accepte, et fût-ce en rechignant, les directions d'autrui, d'un employé somme toute, car il ne nous a jamais traités autrement que comme des salariés, il faut qu'il ne soit plus le même. Tu en juges. Le danger où est manifestement l'usine le tourmente. Je le plains. Anatolie l'interrompit. Mon pauvre Laurent, tu as une bonne nature, si tu le plains. Tu disais tout à l'heure, sait-on les remords qu'on a? Je me dis, sait-on les rancunes qu'on a? Les rancunes légitimes. Il a été très malheureux. Il y a eu, pour l'accabler, une assez laide histoire de Bertrand. Dame, si niais que fût Bertrand, il n'avait que ce fils, l'autre étant à l'armée pour en faire son successeur. Pierre et moi, nous ne comptons pas. Bertrand s'est amouraché d'une de nos tisseuses, qui était la femme d'un de nos ouvriers. Le mari a tout découvert. Scandale. Et ce scandale, les meneurs de la grève ne manquent pas de l'exploiter. Tu le savais? Oui, que devient Bertrand? Il est chez l'oncle, comme un prisonnier. Ça, lui aussi, je le plains. L'oncle est dur. Et la tante? N'en parlons pas. Des jérémiades, des invectives, rien. Et ta maman? Que veux-tu qu'elle fasse? Elle et moi, que veux-tu que nous fassions? Souffrir. Moi, dans l'usine déserte et silencieuse, j'ai encore un peu de besogne. J'écris aux clients pour leur annoncer la grève et le retard inévitable que subira la livraison de leurs commandes. Le retard, au moins. Anatolie, songeant à plusieurs éventualités, lui demanda. Vous ne pouvez pas procurer aux environs des ouvriers qui remplacent les manquants? Les manquants? Mais c'est tout le monde. Ils ne sont pas tous partis le premier jour. Non, il a fallu 5 jours. En 5 jours, l'usine était vidée. C'est une petite minorité qui a mis le branle. Les autres sont partis par lâcheté peu à peu. Les derniers, à hésiter, risquaient leur peau. Ça fait 1 500 ouvriers à remplacer. Où les prendre? Et ceux qu'on aurait, mais en moins d'une heure, ils seraient écharpés. Je crois que tu ne te doutes pas de ce que devient un ouvrier tranquille dès la minute où il est en grève. 1 500 grévistes, ajoute les femmes, les enfants. C'est 3 ou 4 000 bouches sans pain. 3 ou 4 000? Répétait Anatolie. Mais oui. Ce qui perd l'usine, c'est l'extension que l'usine a prise. Ah, notre grand-père était sage, qui refusait de s'agrandir, te rappelles-tu? Cependant, il aurait bien été forcé de faire comme les autres, comme a fait l'oncle, comme il n'a pu éviter de faire, comme ils font tous. Un mouvement qu'ils ont créé les emporte plus vite qu'ils ne le croyaient, et c'est le fatal développement de la grande industrie, la cause de tout. Il y a dans le progrès le désastre. Qui peut se vanter de tenir 1 500 ouvriers sous sa coupe? Bref, ils sont 1 500 contraints. La grande industrie, en s'agrandissant, recrute ses ennemis. Je t'ennuie peut-être. Non, tu es bien d'avis que tout ça est mal et qu'il faut changer tout ça. Laurent devina le biais. Changer tout ça, reprit-il. Mais qui le changerait? Et puis, si la force des choses est à l'origine de ces calamités, il y a aussi les causes déterminantes, les responsabilités de chacun. Et dans cette grève-ci, voyons clair et juste, je n'ai pas la tête montée, je suis très calme. Dans cette grève, il y a un criminel. Sur le visage d'Anatolie, Laurent guetta l'effet de son accusation. Le visage pâle blêmit. Laurent vit l'angoisse d'Anatolie. Il sentit plus encore l'angoisse dont il était lui-même étreint. Et il continua. Les ouvriers ne réclamaient rien, et au vrai, n'avaient rien à réclamer. Si l'oncle était pour nous terrible, pour ses ouvriers, il ne l'était pas. Il a augmenté les salaires, pas les nôtres, ceux des ouvriers. Continuellement et dans la mesure assez large où il le devait, où il le pouvait. Non, les ouvriers ne vivaient pas mal. Tu t'es promené toi-même dans la basse ville, tu as vu. Si tu voyais maintenant, et après le lacroute, tu verras. Le criminel, c'est l'homme qui a fait ça. Pour lui, pour son ambition, pour son égoïsme, pour attraper dans la débâcle de tous. Dans la tienne, Laurent. Si l'usine est fermée, que deviens-tu? Moi, ce n'est rien. Un homme envoie un autre. Et si la ruine de l'un enrichit l'autre, tant pis. Mais s'il s'agit de toute une population qui aura payé cher, très cher, le siège de député de... Sa gorge se serrait. Il eut peine à terminer sa phrase. Oui, de Paulin. Il se vengeait d'une longue jalousie que 8 mois de soupçons avaient accrue sans cesse, et qui, dans la plus émouvante causerie, venait de trouver de nouveaux aliments. Mais quand il se fut vengé, il regarda la femme qu'il aimait, et elle était comme terrassée devant lui. Alors il eut honte de lui, pitié d'elle, et ne sut que dire. C'est elle qui rompit leur silence. « Oui, dit-elle, c'est vrai, et c'est horrible. » « Pourquoi horrible ?» Ce fut en lui comme si, après avoir voulu cette réponse, après l'avoir sollicité, dicté, il n'en saisissait plus toute la signification. En fait, il avait 2 êtres à tourmenter. 2 êtres qui l'accusaient, elle, coupable, et lui, brutal. Il insista. « Tu l'aimes donc ?» Elle répondit. « Si tu ne savais pas que je l'aime, tu ne m'aurais pas parlé ainsi, Laurent. Avoue-le. » Ils crurent une seconde que leur dialogue avait pris le ton de la querelle. Mais bientôt, ils descendirent chacun assez profondément dans sa douleur pour y puiser de la miséricorde. N'étaient-ils pas à plaindre tous les deux? Anatolie ne doutait pas du mal que son aveu faisait à Laurent. Et lui, Laurent, la voyait plus triste que jamais, en avouant son amour. Seulement, pour leur compassion mutuelle, y avait-il un autre langage que le silence et la tendresse affligée des regards? Il fallut, pour qu'une parole fût dite, l'excès même de ce silence, et le besoin de diversion qu'il suscita. « Je sais, dit Anatolie, les torts de Paulin. Tu les appelles des crimes. Il est possible que ce soit des crimes, en effet. Je suis venu ici pour les réparer. Comment le pourrais-tu ? Je ne les réparerai pas tous, non. Il y a des maux inguérissables. Ah, Laurent, ne dit pas un mot. Je le sais bien. Je le sais mieux que personne. Mais il y a aussi des malheurs qu'on peut éviter. Et il y en a un qu'on peut adoucir. Je t'assure. Et il ne faut pas toujours rester hagard devant la catastrophe, à se dire que la résignation est la plus sainte des vertus. C'est Paulin, n'est-ce pas, qui a excité la grève et qui la prolonge. C'est Pierre et l'oncle qui refusent de transiger. Je les verrai. Si je ne réussis pas à rien obtenir d'eux, eh bien, il me reste encore à secourir les malheureux qui souffrent. S'il y a des malades, je les prendrai ici. Et les indigents, j'ai de l'argent pour eux, j'en aurai. Ils sont 3 ou 4 000, répéta Laurent. « Toi aussi, Laurent, tu doutes de la charité » reprit-elle. Aussi, comme Paulin sans doute, il se troubla et répartit. « De l'oncle et de Pierre, tu n'obtiendras point qu'il transige. »« Mais de Paulin » répliqua-t-elle. Alors la tête de Laurent fut en révolte. « Quoi, de Paulin? J'ai peur de te comprendre. Il est possible que je me trompe. Ne me laisse pas forger des imaginations. »« Qu'as-tu compris ?»« Je ne sais pas. Paulin et moi, nous sommes fiancés, Laurent. » Il n'était plus maître de lui. « Non, s'écria-t-il, non, je ne veux pas te croire. Si tu as aimé Paulin, si de cet amour il te reste encore de l'amour, j'arrive à me le figurer. Mais à présent, tu sais ce qu'il est. Tu sais ce qu'il a fait. Tu ne peux pas engager ton avenir avec l'homme qui a été en prison pour avoir organisé le débauchage des soldats. S'il a échoué dans son entreprise de trahison, ce n'est pas sa faute. Et pour avoir crié à bas la patrie. Tu es fille de soldat, tu ne peux pas épouser un faiseur de lâcheté, un lâche. » Il insultait ainsi Paulin. Elle riposta. Ne l'appelle pas un lâche. S'il y a dans une armée un général qui trahit et qui emploie, pour un message de trahison, un sous-officier, celui-ci, porteur de ce message dont il ignore le contenu, obéit et affronte tous les périls, sans crainte aucune, la prison, la fusillade, tout. S'il est pris et convaincu d'avoir servi d'agent à la lâcheté, diras-tu que c'est un lâche? Mais Laurent discuta. Paulin savait ce qu'il faisait. Il ne le savait pas, on le trompait. Se repent-il? Elle répondit faiblement. « Oui, il commence. » Le raisonnement qu'elle avait jeté à Laurent pour défendre Paulin, elle le faisait à elle-même pour défendre aussi Paulin. Depuis les jours du Pré-Saint-Gervais, et les répliques de Laurent, bien qu'elle y répondît, lui détraquaient tout l'artifice sincère et compliqué de cette apologie. Alors, tremblante, elle voulut le recomposer avec Laurent qui la seconderait, avec Laurent bouleversé qu'elle avait à convaincre en même temps qu'elle se convaincrait. Avec Laurent, si bon, et qui, au bout de leur commun désespoir, l'aimant ne lui refuserait pas son aide. Elle le consultait. Écoute, après l'affaire du Pré Saint-Gervais, il était mis en prison comme les autres et impliqué dans un procès de complot contre la sûreté de l'État. Il a été acquitté. Et Laurent allait lui dire que cet acquittement avait, une fois de plus, prouvé la pusillanimité du jury, son caprice et que les honnêtes gens n'étaient pas dupes. Mais il la vit si attachée à cette excuse de Paulin qu'il n'eut pas le courage de l'en priver. Il la lui laissa. Elle continuait d'argumenter. « Tu dis qu'il a été en prison préventive, et tu dis qu'il a crié « à bas la patrie ». Non, ce n'est pas vrai. Il a établi que ce n'était pas vrai. Là-dessus, lis la sténographie des débats, tous les témoignages concordent. Et moi, je le sais bien, j'étais là, il a crié « à bas les patries ». Dieu, je l'entends encore, je l'entendrai toute ma vie, n'est-ce pas? Les mots se ressemblent. Et les idées? Non, ce n'est pas la même chose, comprends. Ce n'est pas la même chose de maudire sa patrie ou de rêver la fraternité universelle. Quand on a fait les États-Unis d'Amérique, on n'a pas livré un des États à des ennemis. Souhaiter l'union des États d'Europe, ce n'est pas nécessairement en trahir la France. Elle avait hardiment développé le sophisme périlleux de l'idéologie pacifiste. Elle ajouta d'une voix débile. « Il me semble... » Laurent la regardait avec tristesse. Il la sentait toute contaminée de théories fausses, et dans sa dialectique, il était sûr de reconnaître la dialectique de Paulin. Quelle souffrance pour lui! Cet amoureux d'une âme éprouvait, devant cette âme profanée, le cruel dégoût qui torture un amant trompé. Seulement, les passions qui viennent de l'âme n'ont pas la férocité que le désir charnel excite. Elles sont même dans le pire émoi, capables d'une attention réfléchie, et qui leur donne le loisir de la bonté. Anatolie empressée à défendre Paulin, puis la défense présentée avec ardeur, doutant de sa vérité, semblait une victime qu'on ne veut pas accabler davantage. Et Laurent l'épargnait sans pouvoir aussi la conforter. Pourtant, les pauvres yeux d'Anatolie demandaient un assentiment. Les commentaires, les tours de pensée ingénieuses qui avaient convaincu les juges de la cour d'assises et qui avaient valu à Paulin non le pardon mais le triomphe, et qui d'abord l'avaient elle-même, sinon persuadée, au moins touchée, et consolé un peu, tout cela maintenant se dissipait en nuées inconsistantes et nulles. Était-ce Laurent qui la ramenait de son erreur? Laurent se taisait, comme s'il lui laissait agir sans lui un plus puissant prestige. Anatolie cédait à l'influence de sa raison qui, chez elle, au milieu de ses habitudes et de leurs conseils, recouvrait sa claire vivacité. Mais alors n'allait-elle pas détester sa raison si désormais, voyant juste, elle ne voyait plus que des motifs de condamner Paulin? « Ah, fit-elle, je sais bien ce que tu me dirais, Laurent, si tu n'avais pas pitié de me le dire. Est-ce que moi-même, dur comme tu ne veux pas l'être, je ne me le dis pas? Mais enfin, tu m'as demandé s'il se repentait, et je t'ai répondu, il commence. Je le crois, en tout cas, je l'ai cru. Avec quelle joie, mon Dieu! Un jour, le jour de son acquittement, il est venu me voir. Il m'avait confié une liasse de papier qui était... Oui, mais tu vas voir, qui était l'organisation de la révolte militaire. » Oui, oui, écoute, à quoi bon t'indigner? Il est venu et il m'a dit, voulez-vous me donner ces papiers? Qu'en ferait-il encore? Il ôta les ficelles de cette liasse. Tous les feuillets, il les déchira. Il les jeta au feu, l'un après l'autre. Je les ai vus tous brûler l'un après l'autre. Je les regardais flamber, s'éteindre. Des franges embrasées couraient sur les minces plaques recroquevillées, noires, et où l'écriture se dessinait en gris. Avec les pincettes, j'écrasais tout ça. Ah, comme on achève la bête nuisible pour être sûr qu'elle ne va pas se ranimer. Tel était mon bonheur, mon glorieux bonheur, le plus grand bonheur de ma vie, plus grand que le bonheur d'aimer, que je n'interrogeais pas Paulin. Tout le temps, tout le beau quart d'heure, peut-être qu'a duré l'anéantissement de ces papiers, nous n'avons pas dit un mot. Il examinait, avant de les jeter au feu, les feuillets. J'avais peur qu'il se ravisât, et qu'il fût tenté d'en garder un seul. Non, et même s'il s'attardait à l'un d'eux, tous y sont passés. J'écrasais le dernier. Paulin se levait et il me dit « Vous êtes contente ?» Je l'étais au point de n'avoir pas la force de bouger, et je restais accroupi devant les cendres de la chose que je haïssais. Il reprit « Je m'étais trompé. » Le parti se trompait. « Je m'en aperçois le premier, donc je n'hésite pas. » Et ils diront ce qu'ils voudront. Tout ça, c'est encore de l'anarchisme, notre vieille tare, difficile à guérir. Mais moi, je suis guéri. Alors, c'était plus admirable que je ne l'espérais. Il n'avait pas seulement fait ce sacrifice à mon amour. Il était guéri. Quelle journée! Je suis allé à lui, sans lui répondre. J'ai mis ma tête sur son épaule et je la lui ai donnée à baiser. Avant cela, il ne m'avait que baisé la main. Et il m'a tenu dans ses bras tant qu'il a voulu, moins que je ne l'aurais laissé le faire. » Anatolie avait parlé comme à elle-même, sans ménager Laurent, toute livrée au souvenir. Et bien que Laurent l'aimât d'amour très pur, la scène qu'elle lui évoquait le révolta. L'image d'Anatolie dans les bras de Paulin, soumise à Paulin et à son ardeur, était devant lui, scandaleuse, atroce. Et il eut questionné Anatolie. La patience lui manqua. Et d'abord, il se contenta d'une insulte à l'adresse de Paulin. Oui, la prison les rend sages, les rend prudents. Elle se récria et fut absurde. « Laurent, ne sois pas impitoyable. »« Ce n'est pas moi qui suis impitoyable, non. Mais si tu as pu croire à son repentir, y crois-tu maintenant ? Y crois-tu quand tu vois ce qu'il fait maintenant ? Il recommence. Il n'a pas réussi à débaucher les soldats, c'était dangereux. Et il ne s'y frotte plus. Mais il débauche les ouvriers, parce que ça, c'est une besogne reconnue par l'État. Une besogne de socialiste arrivé. Si tu crois qu'il s'est repenti, va un peu dans la basse ville examiner son ouvrage de misère. Et puis, au retour, tâche de comprendre quel est son mobile, le seul, son ambition. C'est pour être élu député, pas pour autre chose. Juge-le à ta guise. Moi, j'ai moins de mépris pour le gaillard d'insurrection qu'il a été que pour le politicien qu'il est devenu. » Cette formule résumait toute l'angoisse la plus récente qu'Anatolie endurait au sujet de Paulin. Il lui sembla que la cruauté de Laurent n'était pas dirigée contre Paulin, mais contre elle. Ne lui avait-il pas défini son tourment avec une terrible netteté ? Sans bouger, elle demandait grâce. Puis elle se maîtrisa. « Eh bien, si la crise le reprend ?»« La crise. Mais je te le répète, il sait ce qu'il fait, il est ton fiancé. Il s'établit bourgeois. Et pour épouser mademoiselle d'Arbennes, il lui convient d'être au moins député. » Anatolie résista. « Eh bien alors, si j'ai sur lui cette influence, je le sauverai. Si mon martyr suffit à le sauver, je ne regrette rien. Tu n'as point à le sauver. » Il criait et il s'adoucit de ton, mais non d'accent. « Quelle raison as-tu de le sauver ? Quelle raison as-tu d'accepter le martyr ? C'est toi qui l'avoue. Le martyr pour sauver ce garçon ? Réponds-moi, pour que je sache comment souffrir. Je te supplie de me répondre. Quel est votre lien ? Et êtes-vous des amants ?» Elle sourit avec tristesse. « Non, dit-elle. » Et pour Laurent, quel débarras de chagrin. Des larmes lui coulèrent sur les joues. Sa voix chanta presque en répondant. « Alors, alors, ce n'est pas toi qui le sauveras. C'est moi qui te sauverai. » Elle lui affligea son bonheur en ajoutant « Nous ne sommes pas des amants, non. Nous ne sommes que de pauvres amoureux. Et puisque tu m'as posé cette question très rude, il faut que tu saches tout. Si nous ne sommes pas des amants, lui et moi, c'est grâce à lui. Tu le méprises, tu as tort. Moi, j'ai été ce qu'il aurait voulu. Tu me méprises, tant pis pour moi. Quand une femme a donné tout son cœur, absolument tout son cœur, et quand elle a aussi donné sa figure à embrasser, elle a peut-être commis une faute. Elle a commis toute sa faute. Mais il m'a respecté malgré ma faute. Tu veux tout savoir ? C'est moi qui, pour l'avoir, lui ai offert de m'épouser. Il m'a dit qu'il m'épouserait quand il serait digne de moi. Et sa fierté n'est pas ridicule, Laurent. Il m'a dit qu'il m'épouserait quand il serait député. Je l'attends. » Après cela, il n'avait plus, Anatolie et Laurent, rien à se dire. Laurent partit. Plutôt, il se sauva. Au dernier moment, Anatolie le priait de ne pas annoncer qu'elle était là. Elle irait l'après-midi même voir la tante Pauline. Et tout son plan d'activité, elle le possédait.